J'espère que tu parles pas mal dans mon dos. Je lève la moto. Comme ton frangin chargé dans l'auto. Ils sont bons qu'à râler. Ah, ils sont bons qu'à rager. Ah, ils sont bons qu'à parler de moi. Moi, je suis comme Pablo. Je renie pas le barrio. Cartel de mes délits. T'envoies mon cœur, ma belle, je lui qui est vendu en deux. Au fond, j'ai qui m'aime, mais j'ai pas qui m'en veut. Que tu mentes, toi, t'es lunatique. Ils me font passer pour ce que je suis pas dans leur article. Tu mentiras toute ta vie, tu mentiras. Et tu mentiras. Veulent savoir où j'habite. Capuché, je suis parano quand je vais chez la petite. Il pleut, y'a personne alors je rentre. Quand je vais au quartier, les souvenirs me hantent. Tu m'avais dit nanani.